Chapitre 324. La réprobation d'insulter le coq. 1730. Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'insultez pas le coq, car il vous réveille pour la prière. » Abu Daoud.